Selon le site d'internet Front pour le salut national, le département de propagande du comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a lancé le 25 un appel à toute la population invitant à s'engager dans la lutte contre la disposition de Saad des États-Unis et de la bande de Bakounine.